Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et sur nosécrans.com pour le numéro, eh ben ça commence bien, 57 d'Arrow, le numéro 57 de Sur nos écrans qui reviendra sur la saison 4 de Arrow. Vous entendez dans tous ces cafouillages l'immense motivation que nous avons à l'idée de vous parler de cette quatrième saison de la série de la CW. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 57e numéro de Sur nos écrans. My name. Bruce Wayne. And I am the fastest man alive. If you don't listen to me, you'd be dead by morning. Well, there will be chaos. Rivers of blood in the streets. Look around. The enemy has the advantage. They're screwing with the wrong people. There will be light. But we have to fight on for those we've lost. And then they'll disappear. Become ghosts. To honor my friend's memory, I must be someone else. And something tells me it's gonna catch on. Et avec moi une bonne partie de l'équipe, puisque seul Léo ne sera pas là. Arnaud. Salut. Clément. Salut. Elodie. Bonjour. Et Irish. Salut. Allez, on va parler, comme je le disais, de la saison 4 de Arrow. J'ai l'impression que c'est la saison 12 au moins, tellement ça a été long. Mais non, c'est bien la quatrième saison de la série diffusée sur CW le mercredi soir, qui met toujours en star Stephen Amell dans le rôle d'Oliver Queen Green Arrow, avec Katie Cassidy dans le rôle d'Aurel Lance. Qu'est-ce qu'on a encore? Felicity Smoke, qui est jouée par, je me rappelle jamais de son nom, Beth Richard. Beth Richard. Ouais, un truc. C'est ça. Et puis tous ces fabuleux personnages de Mama Smoke, de Deagle et compagnie. John Barrowman, etc. Voilà, donc une saison 4, on était revenu sur la première moitié de saison au moment de la trêve cet hiver, donc on va pas revenir sur toute cette partie en détail, on parlera plus quand même de la deuxième partie qu'on n'a pas encore abordée, mais ça nous empêche pas de faire quand même une vision un peu globale de la saison. La question est habituel, un petit tour de table pour commencer, pour savoir un petit peu votre opinion sur cette quatrième saison, sachant déjà que toi, Arnaud, tu vas commencer, mais tu ne l'as pas terminé. Ah, t'as gâché mon suspense, là. tu l'as dit déjà depuis plusieurs semaines dans les émissions. Oui, bah, mon avis sur la saison, c'est tout simple, c'est de la merde, et du coup, je l'ai abandonné. Je ne l'ai jamais terminé, tout simplement. J'ai vu la première partie de saison, j'ai vu le retour au mois de janvier, et j'ai dit, c'est bon, j'en ai ma claque, j'arrête. Voilà, il a peut-être eu le courage que beaucoup d'entre nous n'ont pas encore. Mais bon. C'est pas la volonté qui manque. Hein. Ça viendra peut-être. Clément, pour ta part. Comment dire Comment dire? Court déjà. Ouais, non, mais j'ai envie de dire, je qualifierais bien cette saison 4 et ce qui est devenu la série de la merde. Mais je crois que dire que ça serait de la merde, ça serait faire insulte à la merde. Voilà. Au moins, c'est clair. On va continuer avec Elodie. Moi, je vais pas être aussi catégorique que vous, même si je trouve que cette saison est quand même décevante par rapport aux précédentes. Attention, c'est alerte, faible, décevant. Elodie a dit du mal d'une série avec Stephen Amell. Eh oui. En même temps, tu crois que je vais dire du bien de Tortue Ninja 2. Oula. On ne sait jamais si vous laissez un petit. Tu viens de mettre un coup d'arrêt à cette émission. Ouais, tu perds tes petits points dans mon estime, mais bon, c'est pas grave. Il y a encore. Allez, je t'ai dit, est-ce que tu crois que je vais me dire du bien de Tortue Ninja 2? Ben non. Ah, mais je croyais que tu avais affirmé que tu allais en dire. Non. Allez, revenons à nos moutons. Oui, il fallait que je continue. Bah, je sais pas, pour moi, c'est du même niveau que Flash. Hein, donc, Oh non. Donc, c'est descendu au même niveau que Flash. Chacun a le droit d'avoir un avis. C'est sale. Mais si c'est un avis de merde, chacun a le droit de l'avoir. Attention, ça, c'est insulter la merde, comme dirait Clément. C'est ça. Allez, Irish, et toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette saison 4? Globalement et en deux phrases. C'était juste. J'aime pas être aussi, aussi dur que Arnaud. Et pour une fois, je vais être du même avis que Clément. Non, c'était vraiment à chier. Du coup, on a le même avis. Ouais. Non, c'était vraiment pourri. J'utilise les mots exprès. Hein. Je dis pas non, c'était décevant. Non, c'était vraiment pourri. Sans queue ni tête. Aucune cohérence. C'est ni fait ni à faire. Ni fait ni à faire. Bah tiens, c'est peut-être ce qui résume le mieux mon avis sur cette saison 4. Effectivement, c'est ni fait ni à faire. Si possible, si c'était pas à faire, ça serait bien. Ouais, non, c'était un peu une plaie cette année à suivre. C'est de pire en pire. Voilà, cette saison 4 est partie dans un what the fuck le plus total. C'était la surenchère de n'importe quoi pendant toute l'année. Et du coup, ça a paru tellement long. C'était incroyable. Voilà, il n'y a rien à sauver de cette année. Rien. Peut-être si les trois dernières minutes du season finale. Ouais, et encore. d'accord. Parce qu'il y a un truc qui m'intéresse de voir, mais c'est tout. Non, si, moi, il y a un truc à sauver dans cette saison. C'est oui, si, il si, y a un événement majeur qui s'est passé il y a quelques semaines qui est à sauver. Non, c'est juste le générique de fin parce que tu te dis, ça y est, calvaire enfin terminé. Allez, on va rentrer dans le détail de ce qui nous paraît, évidemment, vous l'avez entendu, hein, pas glorieux. Donc, bah, désolé si vous aimez cette série, mais pas nous. Ça va être glorieux. Bon, voilà, on va être franc, on va se parler un peu franchement. Voilà. Bah, en même temps, ça fait quand même depuis la saison dernière qu'on la voit quand même sur la pente. Ah non, mais la saison dernière, on aurait pu passer à Cannes à côté. Hein. Ah non, non, non, franchement. Attends, on parle pas de Cannes avec Irish. C'est vrai, Michel Haneke va revenir. Sinon. Non, non, franchement, même moi, qui est plutôt bon public et tout, j'avais relativement défendu. Je crois que je devais être l'un des rares à essayer de défendre la saison 3 de Arrow. Mais là, c'est juste pas possible. Ouais. Bah, c'est ce que je dis, c'est qu'on a eu une saison 2 qui était vraiment géniale, qui avait vraiment tout, qui a vraiment donné d'intérêt pour cette série. Et après, une saison 3 qui allait dans un... Finalement, on savait pas où elle allait. Et là, elle est... Dans le mur, maintenant, on le sait. Ouais. Confirme. Voilà. On va faire un petit clin d'œil à Thibaut. Hein, parce que Thibaut, c'est quand même, voilà, il a participé à un podcast il y a 2 ans, je crois. Ouais. Et voilà, c'est un peu un curseur. Hein, Clément nous rapporte souvent les avis de Thibaut. C'est accessoirement mon frère, pour voilà, ceux qui ne savent pas. Le frère de Clément, ceux qui ne savent pas. Il a des goûts comme il spéciaux. Voilà. Très spéciaux. Voilà. C'est-à-dire que toutes les bassesses, voilà. Disons, sur Twitter, vous avez Jonathan, coucou Jonathan, qui apprécie Joséphine Ange Gardien, Le Miracle de l'Amour, tous ces trucs-là. Et puis, bah, pour le reste, pour les séries comics, on a Thibaut. Ouais, pour lui, Legends of Tomorrow, c'est très bien. C'est très bien. Voilà. Et même lui a quand même concédé que cette saison, Arrow, c'était de la merde. Voilà. Donc, s'il a ouvert les yeux, c'est quand même vraiment qu'il y a un gros problème. c'est ça. Qu'est-ce qu'on... Allez, on va quand même essayer de dire un truc positif ce soir sur la série. Un truc qui s'est passé cette saison ou quelque chose qui vous a marqué de manière... positive cette année. Elle a enfin crevé. Non, moi j'étais déçu parce que j'aurais aimé que ce soit Felicity qui crève. Oh non. Écoute, non, on est déjà débarrassé d'une, de l'oreille. Ouais, moi c'est peut-être l'un des seuls trucs positifs. Ouais. Felicity ? Oui, oh, Felicity non. Jones. Elle est insupportable. On abordera Felicity après. Ouais. Mais on va régler son compte à l'oreille puisque voilà, elle aussi a eu son compte de régler dans la série. Elodie, est-ce que tu partages notre. Je suis pas d'accord, moi. Je pense que moi je suis la seule qui a défendu l'oreille. Enfin, moi j'ai bien aimé le développement de son personnage. Enfin, relativement, hein, mais moi je voulais avant tout que Felicity crève, pas Laurel, parce qu'elle va devenir un peu plus intéressante. Bah, je suis un peu d'accord avec toi là-dessus. Après, de là que Felicity crève, non, parce que je trouve que le personnage seul est intéressant. Le personnage en couple avec Oliver est totalement inintéressant. Donc là-dessus, moi, c'était le côté positif de cette saison, c'est qu'ils ont rompu. Parce que on va garder cette phrase en souvenir. Le personnage seul est intéressant, le personnage en couple ou duo avec Oliver est inintéressant. Et on en reparlera au moment de la toute fin de la saison. Oui. Ok. Non, ce qui fait que, Felicity, toute cette première partie de saison où elle était en couple avec, c'était juste horrible. Et je trouve qu'au contraire, à la fin, donc à partir du moment où ils sont plus ensemble, ça redevient un peu meilleur, même si. Elle est pas aussi, si le personnage est pas aussi sympathique que les premières saisons. Laurel, au contraire, je trouve, commençait à se développer. Et en fait, c'est dommage qu'il la tue si tôt, parce que je pense que c'est de tous les personnages qu'on a, c'était celle qui avait le plus de potentiel, même si malheureusement, ils l'ont pas montré. Je pense que, voilà. Après, je suis peut-être pas très objective, parce qu'en soi, j'adore l'actrice, et je trouve que c'est son pire rôle, celui de Laurel. Donc, bien dommage. Je comprends ce que tu veux dire par potentiel. Bon, en même temps, je suis un peu d'accord et en même temps pas d'accord. Parce que, justement, c'est l'idée de potentiel que tu crois peut-être entreapercevoir, mais jamais développé. Pour moi, elle aurait été géniale si elle pouvait faire une sorte de contre-pouvoir légal par rapport aux autres vigilantes que sont Arrow et toute la clique. Donc en gros, elle serait un petit peu, puisqu'elle est procureure, elle s'occuperait de faire condamner les méchants, en gros trouver une voie légale pour mais faire... Mais on s'en fout, enfin, c'est pas l'intérêt de Arrow en soi, enfin, de cette série, t'as des séries... Mais dans ce cas-là, si tout le monde... Le problème, c'est que si tout le monde est super, bah plus personne ne l'est. Donc si dans toute la vie, ils deviennent tous des super-héros, bon, tu te demandes qui c'est qui a un rôle... parce qu'ils sont quand même hors la loi. Donc qui c'est qui a un rôle légal ou qui a un rôle de police qui poursuit les méchants? Parce que normalement, quand ils arrêtent des méchants, ils n'ont aucun pouvoir légal. Ils sont pas, comment dire, ils n'ont pas un mandat pour s'occuper de ces gens-là. Et Laurel, elle aurait pu être parfaite là-dessus. Mais je comprends pas pourquoi elle a besoin de mettre le costume. Pourquoi il faut que, déjà, c'est limite si son père aussi, il en fait pas partie. Si lui aussi bientôt, on va pas lui filer un masque. Et pour la mère, on n'en parle pas. Ça, c'était la mère de Felicity. Donc en gros, presque tous les personnages qui de leur bande, ils finissent par devenir des super-héros. Et sauf que ça n'a aucun intérêt. Un peu une sorte de ligue de. Moi, après, je suis plutôt d'accord. Effectivement, le côté légal un peu que Laurel aurait pu apporter aurait pu être intéressant et apporter quelque chose d'autre. Maintenant, ils ont choisi d'aller dans l'autre direction. Après, pourquoi elle porte ce costume? J'ai envie de dire à cause de son nom. Oui. À cause de son oncle? De son nom. Dina Laurel Lenz, c'est Black Canary. Ah oui, d'accord. Oui, je comprends. Tu vois ce que tu veux dire? C'est par rapport aux comics. D'ailleurs, dans les comics, elle meurt pas. Comment ? Dans les comics, elle meurt pas. Oh, tu sais, la vie, la mort dans les comics. Tout le monde est mort 30 fois et revient. C'est relatif. C'est un concept un peu. Voilà. Mais du coup, voilà. Et d'ailleurs, elle retrouve enfin son nom sur sa tombe, Dina Laurel Lenz. C'est pas faux. Non, mais voilà. Après, moi, je dis que peut-être elle est pas morte. Peut-être il va se passer des choses. Moi, honnêtement, je m'en fous un peu en fait parce que ça change rien. Ce que la série est devenue. Non, c'est clair que. Elle s'en fout. Je sais pas, à un moment. Bah, moi, c'est une des choses qui. Justement, je pense que je continuerai à regarder la série pour ça. C'est-à-dire que sur son lit de mort, alors qu'elle était en. En pleine forme, hors de danger. Elle était tirée d'affaire, hors de danger. Voilà, elle dit quelque chose à Oliver, on ne sait pas quoi, et bim, elle meurt juste derrière. Donc moi, plus ça cliché, me le tue, en fait. Bon, je ne sais pas. Je sais pas comment ils peuvent planifier en deux secondes sur son lit de mort un plan. Déjà, on ne sait pas pourquoi, mais en plus qui impliquerait de blesser autant son père. Ou alors, elle se dit, ah tiens, tu sais, comme mon père, il m'avait. Ah oui, mais c'est ça. Après, voilà, elle a quand même subi pas mal de choses. Laurel, elle a quand même subi pas mal de choses depuis le début de la série, et peut-être qu'elle était juste fatiguée, qu'elle en avait juste marre, et que là, c'est une personne. Qui dit ça? Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas qu'elle est Black Canary, donc du coup, ça n'a aucun intérêt. Je ne sais pas si s'est passé quelque chose dans cette putain de chambre. Voilà. Ça se trouve, il s'est rien passé, elle lui a juste roulé un patin, quoi. Mais en plus, tu sens ce qu'ils disent, elle est hors de danger, et puis d'un coup, elle fait là, une grosse déclaration à Oliver. Tu dis, bon, bah c'est bon, tu vas crever. Non, mais c'est ça. Et c'est très mal amené, surtout que je pense que c'est ce truc de déclaration aurait dû avoir lieu bien plus tôt. Mais, J'ai envie de dire, c'est très mal amené, mais honnêtement, ils nous ont teasé la mort d'un personnage. Bah oui, depuis un moment. C'est tout le début de saison. C'est quand même du gros foutage de gueule. C'était un peu. Pour que ce soit elle ou un autre, c'était un peu pareil. Au final, c'est quand même quelqu'un d'important dans la série. Oui, vous n'avez pas menti tant que ça. Oui, pas tant que ça, mais bon, ça reste quand même du foutage de gueule. Ça aurait été Mama Smoke, là on aurait pu crier au scandale. Après, il faut rappeler que si l'univers de Flash impacte celui d'Arrow, je pense pas non plus, mais si c'est le cas, peut-être que voilà, elle pourrait revenir. Mais on est quand même loin. C'est vrai qu'on ne sait pas ce qui s'est passé dans Flash encore, on aura la réponse à la rentrée, mais du coup, si c'est passé quelque chose d'important suite à ce qui se passe dans le final de Flash, il y aura un moment où il faudra quand même justifier pourquoi ça n'impacte pas les autres. En tout cas, sachez que si j'ai la chance d'interviewer l'actrice la semaine prochaine, c'est la question que je vais me poser. Laquelle? Cathy Cassidy, d'accord. Voilà. Mais sinon, ça sera Monte Carlo. Non, à la convention. Sinon, d'autres veulent la rencontrer, vous savez que vous pouvez payer un dîner. Hein. À la Comic-Con. C'est ça. Vas-y, la page de Laurel, parce que quand même. Ouais. Je veux dire, par sa mort, par rapport à celle dont on a eu, par exemple, la mère d'Oliver, qui était. Moi, limite, j'ai failli pleurer pour la mère d'Oliver. C'était surprenant, c'était inattendu, mais là. Comme vous dites au début, moi, on attend que quelqu'un meure. On vous dit, bon, bah, c'est qui? C'est pas elle. Oh, bah, tiens, finalement, c'est Laurel. Moi, je me suis dit, bon, bah, tiens. Moi, j'ai été spoilé, moi. Avec le recul, la mort d'Oliver. De la mère d'Oliver, on l'a vécu comme ça aussi, parce qu'on ne connaissait pas encore assez bien la mécanique de l'écriture Berlanti qui maintenant ne nous surprend plus. Oui, c'est ça. Regardez les choses avec un petit peu de recul maintenant. Oui. J'ai eu l'occasion de revoir pas mal de morceaux de la saison 2 il y a peu de temps. Au final, les indices étaient déjà là. Sauf qu'on ne connaissait pas encore ces mécaniques et ce qui maintenant est devenu une routine pour nous. Et voilà, nous on avait été surpris. Mais maintenant, on ne le saurait pas, je pense. Voilà. Allez, on passe. Est-ce que vous voulez reparler de Felicity ? Non, qu'elle crève. Voilà, c'est tout. Bah, moi, je suis totalement en désaccord avec toi par rapport à ça. C'est peut-être l'un des seuls personnages. Bon, sauf que elle a été un peu saoulante, mais bon, tu me diras, c'est un truc de fille en général. Pardon. Bon, dis donc. Oula, c'est quoi ce qu'il me donne ? C'est quand même un peu. Non, mais je te quitte. Non, mais je te quitte pas. Bon, bah, finalement, il n'y a plus de raison que je te quitte, mais je te quitte quand même. Oui, bon, non, bah, tu sais, c'est pareil chez les gars, chez les filles. Bah, hein, si, il hein. y a des raisons parce que tu vois, les mecs, et bah, ça ment, ça fait n'importe quoi. Donc, exactement, voilà, elle est comme ça, ouais, on est triché, on va appeler. On t'a quand même dit, on t'a quand même compris que bon, il n'a pas eu le choix, la meuf, elle lui a dit, bon, bah, c'est soit tu vois pas ton gamin. Donc, où tout le monde a dit, bon, bah, ouais, ok. Elle a dit, ouais, je comprends que t'as eu à mentir. Mais en attendant, il ne le voit pas, son gamin, donc. C'est ça. Allez, on va donc continuer ce 57e numéro de Cliché Stories sur la suite de cette saison 4 d'Arrow. Felicity, je suis plutôt d'accord avec ce que disait Elodie. Effectivement, dès qu'Oliver est dans la pièce, elle me saoule. Mais alors, par contre, quand elle est avec Curtis, enfin Michael Hall. Ah, ouais. Ah, moi aussi, j'adore. Voilà, moi j'adore ce duo-là. J'adore l'apport de ce personnage, on pourra en dire deux mots tout à l'heure. Mais quand elle est avec lui, c'est génial. Quand elle est avec Deagle, ça marche. Quand elle est avec lui, n'importe qui, ça marche. Mais dès que ce putain d'Oliver Queen dans la pièce, ça ne marche pas. Elle fait trop Est-ce que c'est pas leur relation qui te saoule au final? Parce que quand elle est avec Connor Queen. C'est le jeu de l'acteur, je pense. Ouais, aussi. Moi, je dirais pas que c'est l'acteur, je dirais que c'est parce que c'est une situation que. Leur situation amoureuse te saoule un peu le fait qu'ils ne bon, pas qu'ils se tournent. La manière dont leur relation est écrite tire de toute façon clairement les deux personnages vers le bas et point. Enfin. Ouais. Non, mais alors après, moi clairement, j'ai absolument pas envie de les voir en couple ensemble hein, depuis le début. Et alors maintenant qu'ils ont été encore moins. Ça touche à Stéphane Hamel, c'est ça? Ah non, pas du tout. Mais moi j'étais pro Laurel. Et moi aussi, parce que le couple, voilà, c'est quand même important quoi. Oui. En fait, c'est dommage qu'elle n'ait pas été servie, Laurel, pour son personnage quoi. Donc c'est vraiment dommage par rapport à ça. Mais après, oui, pour moi c'était Oliver, Laurel, plus que Felicity. Même si Felicity, le personnage toute seule, est bien plus intéressant quand je reste sur cet avis. Mais. Non, mais moi je préfère. Non, je préfère Felicity, même si elle a des mollets énormes, mais bon, je préfère rien. Quoi? Mais décidément, ce soir, Erich, je t'enverrai tous les messages féministes que nous recevrons cette semaine. C'est pas un compliment. Alors, on continue. Allez, Felicity, on lui dit bye bye, c'est bon. On va quand même parler du grand big bad guy de la saison, à savoir Damian Dark et quand même un peu Ruvé Dark aussi. Ah donc, oui. Le big black, tu veux parler du mec qui aurait pu arrêter la saison dès le deuxième, troisième épisode, mais qui a laissé traîner. On ne sait pas pourquoi il les tue pas. On ne sait pas pourquoi ils sont. On ne sait pas pourquoi il y a un combat entre eux à chaque fois. Normalement, le mec, un claquement de doigts et c'est fini. Mais non. Bon, je vais vous laisser en vie pour cette fois-ci. Eh ben non, que je vais m'enfuir alors que je suis en position dominante. C'est juste n'importe quoi. Bah, on a eu le même problème avec Zoom, on en parlait la semaine dernière. Voilà, sauf que là, c'est encore pire. Sauf que là, ouais, c'est quand même assez gênant. Moi, je trouve globalement ce méchant hyper gênant. Oui. Parce qu'ils ils se mettent quelque chose d'hyper puissant dans les mains et ils ne savent pas le gérer. C'est incroyable. Et l'acteur en fait des coups. Ah bref, pas à me décider. J'ai l'impression de voir Robert Downey Jr. en Iron Man. Quoi. C'est cabotinage sur. Enfin, c'est incroyable. Le mec, il est. Détestable. Ouais. Je vous l'ai dit dès le début de la saison, on m'avait dit oh non, il est pas mal. Ouais, parce qu'il était encore menaçant à l'époque, on en avait pas marre, mais là. Non, dès le début, il joue très mal. Moi, c'est comme tu dis, il est hyper menaçant, mais au final, il fait pas grand chose. Sur 10 épisodes, il ne fait rien. Parce que sur 23, il n'en fait pas plus. Hein. Il a 40 possibilités de tuer Green Arrow. Et jamais il. Au dernier moment, je me souviens d'un épisode où ils sont dans un train, un combat dans un train. Ouais, il est en train de l'étrangler et il s'arrête. Mais c'est ton ennemi juré, enfin pas ton ennemi juré, mais c'est un ennemi. Il casse tes plans à chaque fois. Bute-le, quoi, surtout vu ton pouvoir, ta force, tu pourrais le réduire en cendres en 30 secondes. Mmh. Il le laisse en vie et il le revoit plus tard et pareil, il a deux doigts de le tuer et il le laisse encore en vie. Donc c'est vraiment le problème que tu disais, c'est qu'il est trop puissant. Ouais. Ils ont peut-être montré sa puissance beaucoup trop tôt dans la saison, et du coup, il attend à rien faire pendant toute la saison. J'ai quand même envie de reparler dans l'épisode final, la grosse scène de baston. Ah oui, parlons-en de ça. Parce que je sais pas si j'ai trouvé j'ai du mal à te dire si j'ai trouvé cette scène. Genre magnifique, en disant qu'ils ont fait quand même une grosse scène dans ce style sur Arrow. Donc j'ai trouvé ça d'un ridicule sans nom. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Je prends la deuxième. Alors, moi je suis d'accord avec Elodie sur le côté partagé. Pourquoi j'ai trouvé ça bien ? Il y a un truc que j'ai trouvé bien en fait qui amène cette scène, c'est le discours d'Oliver sur sa voiture. Ouais. On retrouve Oliver impliqué dans sa ville, un peu justice sociale, ce que j'aime bien aussi dans Green Arrow. Voilà, il va remonter sa ville, remotiver, provoquer de la solidarité, etc. Alors oui, c'est fait avec l'écriture de Berlanti, c'est-à-dire n'importe quoi. Mais il y a quelque chose là qui appartient aux fondamentaux du personnage qu'on retrouve enfin et qu'on n'avait pas vu depuis hyper longtemps, peut-être depuis la saison 2. Donc ça, c'était hyper agréable. Et du coup, cette scène où tu as effectivement tout le monde qui va se mettre un petit peu à vouloir foutre sur la gueule à Damien Dark et à ses sbires, c'est la continuité de ce discours-là. Donc voilà, ça, c'est la partie qui moi, me tirerait plutôt vers « ouais, quand même, c'était sympa ». Après, ouais. Pour le reste, la manière dont c'est résolu, la manière dont on se débarrasse de Damien Dark, mais ça tient de la blague. Je sais même plus comment, d'ailleurs. Cette scène-là, t'as pas eu une flèche bien. Dans le cœur. Ah oui, c'est vrai. Ah, Dark. Mais oui. Censé être immortel. Hein. Mais non, parce qu'il décide de revenir au fait que parfois, il faut tuer pour. C'est ça. Ce qui est pas mauvais en soi aussi. Hein, ouais. C'est intéressant. Ouais, c'est bien, mais. Juste, le plantage d'une flèche dans le cœur. Damien Dark, le mec était présenté comme d'une puissance incroyable. Là, pouf, une petite fléchette. T'as pas fait penser à cette scène, la scène où ils se battent tous comme ça. Ça t'a fait penser à The Dark Knight Rises. Ah non. À toute fin où il y a différentes pensées. T'as à peu près la même idée où t'as Batman et Bane qui se bagarrent au milieu. Les policiers et les méchants de Bane qui se battent. C'est deux humains dans Batman Rises. C'est Dark Knight Rises, c'est deux humains qui se battent. Tu n'as pas vu la scène, Arnaud. Oui, mais c'est un humain. Non, mais t'as compris ce que je dis ? J'ai dit dans la scène, il y a Batman et Bane qui se battent, et au milieu, ils se battent au milieu de tous les autres, de tous les deux équipes qui se battent entre eux aussi. Oui, les citoyens, voilà. C'est la même chose. Non, mais c'est plus moi pour la symbolique, la flèche dans le cœur. Ouais, mais non, c'est ridicule. Ouais. Enfin, moi, je veux bien qu'on parle aussi d'un autre truc ridicule. Est-ce qu'on en parle du magnifique enjeu Genesis, qui est quand même du gros foutage de gueule ? On en parlera après, mais ça, je vais finir sur la mort de Dark, parce que quand même, et pour répondre un petit peu à la question d'Arnaud qui semblait un peu interloqué que Damien Dark puisse mourir d'une flèche, en fait, figure-toi, Arnaud, qu'on a découvert dans la saison que Damien Dark se nourrissait un petit peu de la mort des personnes qui tuent, du désespoir de la ville, etc., mais que Oliver Queen Green Arrow lui se nourrissait de la lumière et de l'espoir et pouvait donc contrer la magie de Damien Dark. Parce qu'il est devenu magicien maintenant, parce que Constantine lui a fait un tatouage. Un tatouage magique, oulala. Qui le protège et qui lui donne accès au fait de récupérer le pouvoir de l'espoir, de la lumière, et que s'il se souvient de choses joyeuses et qu'il puise dans la lumière et l'espoir qu'il a en lui, eh ben, il va avoir assez de pouvoir pour annuler l'effet de Dark sur lui. Donc c'est grâce à cette magie qu'il est si vieux. Parce qu'on le voit dans les années 60 dans Legends of Tomorrow. Donc en réalité, il n'est pas immortel, c'est juste cette magie qui le garde un peu plus longtemps en vie. Ouais. Non, mais en fait, on sait pas trop, puisque c'est l'écriture Berlanti, ça va dans un sens puis dans un autre. Non, mais ça a l'air un peu occasionnel, son truc là. Ce qui est pas mal dans Arrow à la base, ce qui est bien dans Arrow à la base, c'est qu'il n'y a pas de magie, il n'y a pas de pouvoir, ça reste des humains qui étaient sympas par rapport à Flash, ils ont tous des pouvoirs et tout, c'est que c'est un truc centré que sur ça, et que là, de cette saison, ils ont fait des trucs avec des pouvoirs. Ah non, mais ils sont partis dans un délire. Ah ouais. Et que j'aimerais bien que personnellement, ils se recentrent sur quelque chose sans pouvoir. Et bien, c'est ce que Stéphane Hamel a déclaré. Exactement, je suis totalement d'accord avec lui, on est sur la même longueur d'onde. Ah, c'est incroyable, vous avez vraiment fait l'un pour l'autre. Je pense. Stéphane Hamel a déclaré donc, que l'année prochaine, ce sera un Back to the Basics, c'est-à-dire un Green Arrow plus proche de sa ville. Effectivement, hein, il devient maire à la fin de la saison, donc on se doute bien qu'il va devoir s'impliquer dans la ville et justement aborder ce côté social qui appartient au personnage et qui le rend intéressant. Mais moi, le sous-texte de cette déclaration-là, quand il nous dit la saison prochaine on va revenir au basique, on va remettre Oliver Green Arrow dans la ville, etc., sur des choses plus simples, plus terre à terre, ce qui faisait le début de la saison et qui avait tant plu, etc., moi quand je l'entends dire ça, je l'entends dire cette année c'était de la merde, mais restez parce que l'année prochaine on va redevenir bien. Oui, c'est ça. Tout le monde a entendu ça. Ça ressemble un peu à un aveu, quoi. Ouais. En même temps, il faut quand même qu'ils soient super cons pour pas voir qu'ils ont fait de la merde. C'est sûr. Bref, donc voilà. Mais en même temps, c'est pas un peu aussi le problème de ces séries qui sont pas tournées une fois, en gros, et diffusée dans la totalité, parce que j'ai l'impression, enfin, c'est ce que j'ai appris aussi, je me doutais un petit peu, c'est que les séries étaient tournées au fur et à mesure des diffusions. Et oui, donc, en deux blocs, surtout, il y a surtout deux grosses périodes de tournage dans l'année où effectivement ils tournent des blocs d'épisodes. Ouais, voilà, donc et en fonction des avis de comment les gens reçoivent le truc, ils te le modifient ou ils te rajoutent des éléments. Ils peuvent ajuster à partir de, je sais pas, ils ont quand la première moitié de saison se passe mal, ils ont au moins 7 ou 8 épisodes avant de réagir, quoi, parce que c'est déjà prêt le reste. Un peu moins. Ouais, peut-être 6. 5 en général. Okay. Donc, ce qui fait qu'à un certain moment, t'as vraiment des what the fuck qui n'ont aucune cohérence avec ce qui s'était passé au début. Et je sais pas, tu te demandes, bon, qu'est-ce que ça fout là? Ouais, mais de toute façon, on se demande ça toute l'année, donc dans cette série cette année. Donc voilà quoi, il y a un moment. Finalement, moi j'ai eu un seul épisode que j'ai trouvé peut-être intéressant. C'était dans la première partie de saison, on en avait parlé quand on a fait le bilan, mais là tout le reste, mais même sur la fin, mais c'était d'un pénible à chaque fois les épisodes. J'ai l'impression de revenir à l'époque de Prison Break vers la fin où c'était vraiment pénible à chaque épisode. Tu dis, oh putain, 40 minutes ça va être long. Ouais, c'est il y a la fin de Heroes, il y a plein de ouais. Saisons comme ça, plein de séries. De toute façon, la saison 4 là, c'était très très rude. Hein. C'est un chiffre un peu maudit, saison 4, j'ai l'impression. Clément, tu voulais que l'on aborde le magnifique Genesis. Ouais, enfin moi j'ai. Je te laisse lancer. C'est tout le problème hein, de l'écriture Berlanti. C'est que pendant un truc, on te vend depuis le premier épisode, il prépare un truc, c'est un undertaking, il prépare un truc, et après quand il commence à te dévoiler le truc, t'arrives. Ah ouais, mais en fait, vous faites pas chier, les mecs. Vous reprenez juste ce qui s'est passé dans la première saison et la deuxième saison, et vous refaites un truc un peu plus grand, quoi. Enfin, c'est tout le temps la même chose. Disons qu'ils ont bien compris que ce qui plaisait aux spectateurs, c'était la menace sur la ville, et que du coup, là, je pense qu'on a une rectification du tir. Mais ils font ça à chaque saison. Ils sont partis plus loin que la ville, c'est carrément le monde entier. Oui, c'est le monde, là, cette fois, ils vont sauver le monde. J'adore quand ils disent on va sauver le monde. Ils ont quand même détruit une ville, on en parle à peine. Oui, c'est ça. T'as vu un champignon. On a quand même un champignon atomique au milieu des États-Unis, et il n'y a aucune conséquence. Tu sais pas où et tu t'en fous réellement. Et pourquoi ils vont dans cette démesure incomplète? Pourquoi ils te parlent de 14 530 missiles, pourquoi aller aussi loin? Je sais pas, en mettant autant de chiffres, ça, c'est comme si ça t'aminuise carrément l'effet. Alors que si on te parle juste de un ou deux missiles nucléaires, tu sais que c'est quelque chose qui est à la portée et quelque chose dont ils peuvent se battre. Non, mais Felicity et Curtis, ils sont juste trop forts. Voilà pourquoi, à mon avis, ils ont parlé de ce nombre-là. C'était parce que Damien Dark est une menace énorme. Sauf qu'elle n'a pas pris, ils ont corrigé, ils ont remis une menace sur la ville, sur le monde, etc. Sauf qu'il fallait quand même que Damien Dark ne fasse pas les choses à moitié, donc lui, il a 15 000 missiles nucléaires à sa place. Non, par contre, ce qui est dommage, c'est que pour le coup, c'est un peu Felicity qui est... Alors, elle n'est pas vraiment la cause, mais elle n'a pas réussi à arrêter, donc elle a dévié un des missiles sur une ville qu'elle a complètement... Oui, elle a une part de responsabilité. Avec 10 000 habitants, je ne sais plus combien. Je pensais que ça allait partir dans un sens pour elle, pour son personnage, en mode... Peut-être l'année prochaine. Culpabilité. Mais bon, tu rigoles, il y a eu 3 épisodes, ils n'en reparlent pas. Ah non, c'était dans l'avant-dernier. Certes, ça paraît super long, mais c'était l'avant-dernier. Oui, c'était l'avant-dernier. C'était l'avant-avant-dernier, je pense. Non, l'avant-dernier. J'ai dû regarder cet après-midi, donc je suis choqué là. Non, mais après tu regardes aussi certains trucs. Bon, on veut bien qu'on ne soit pas calé en science ou qu'on ne soit pas le truc sur lequel ils peuvent se permettre de nous dire n'importe quoi, mais leur histoire de dévier le missile avec. Dévier le missile. Avec un petit brouilleur. Ouais, c'est ça, avec le truc que les flics utilisent, le radar mobile des flics là. C'est un peu ça. Dessus, et voilà. Non, mais il faut arrêter, c'est n'importe quoi. Et puis il y a aussi ce moment glorieux quand même où ils essaient de braquer Palmer Tech pour récupérer le fameux processeur. Ah. Et où, je sais jamais si c'est Michael dans la série Curtis, c'est le personnage de comics, ou c'est l'inverse. C'est Curtis dans la série et c'est Michael dans les comics. Voilà. Donc où Curtis quand même demande à Felicity, est-ce que tu sais si ici il n'y a pas un chargeur et un truc magnétique, je sais pas comment. Et là elle se retourne et sur la table il y a pile poil le truc qui les attend. Et qu'elle te passe ça devant l'écran comme si elle te scannait un code barre et ça déverrouille le truc. Enfin, c'est incroyable. Incroyable. Mais je veux bien qu'on revienne à Genesis, enfin en tout cas le sort de monde sous terre. Oui, j'avais encore d'autres trucs à dire. Avant de parler de ce fameux monde sur les missiles militaires, juste pour dire à quoi ça sert. de nous introduire un méchant d'une, qui a une puissance magique colossale, si au final, pour son grand plan, il avait juste besoin d'un hacker. C'est pas faux. Il y a quand même un gros problème là. Et aussi qu'il envoie sa femme là où c'est vraiment dangereux et qu'il est inspiré dans le truc là-bas. Oui, d'ailleurs, oui, pareil, sa femme se fait tuer au YOLO. D'ailleurs, je me suis endormi devant, j'ai pas vu la mort de sa femme. En même temps, c'est un peu, c'est, ça m'a fait penser à la mort de... De Tommy, non de Tommy. Ouais, Tommy, ouais. Ouais. L'utilisation de Malcolm aussi dans cette saison. C'est... Oui, enfin, Malcolm, il sait pas... Ah, Malcolm, je... Ouais, c'est ça, je sais plus... Il y a un moment, Malcolm, il choisit un peu son côté. Ils sont ensemble en train de se battre avec lui. Tu te dis, mais... Vous êtes au courant de ce qui s'est passé? C'est copain copine, après c'est t'es plus mon copain, on se bagarre, après tu redeviens le meilleur copain. Non, stop, stop. Oh là là. Allez, ouais. Cette fameuse ville dont tu voulais nous parler, Elodie, la fameuse l'Arche. Alors, je sais plus à la fin de quel épisode, en tout cas où on voit que Théa est propulsée là dans cette Arche, Vénésie, je sais pas trop comment ça s'appelle, bref, dans cette bulle souterraine. Sérieusement. Oui, oui, non. Moi, je me suis dit, putain, mais j'ai trouvé l'idée hyper intéressante. Ah non, pas moi. Ah bah, moi, j'ai trouvé ça très sympa. Je me suis dit, comment ils vont nous développer ça. Malheureusement, elle y reste pas assez longtemps, mais j'ai trouvé ça hyper sympa. Le fait que, déjà, qu'elle se rende compte que les bruits d'oiseaux, c'était toujours les mêmes. Moi, j'étais... Ça, alors... c'était intéressant. Voilà, ah, sur oui, la manière dont elle se rend compte, on se dit, putain, elle est pas conne, quoi. Et là, on a un vrai plot twist. Ben oui! Non, mais sérieusement, je trouve que ce truc, en tout cas cette partie-là, pour moi, m'a fait un petit regain de. Ah putain, ils peuvent faire un truc intéressant dans Arrow, et puis finalement, ça retombe dès l'épisode suivant, mais voilà, j'ai bien aimé cette petite partie où elle découvre. Et du coup, donc, cette arche, hein, cette ruche, qui se trouve sous les Glades. Encore. Donc, il est fort, Damien Darkin. Donc, c'est-à-dire que le quartier avait été déjà détruit dans la saison 1, et là, maintenant, il tombe, quoi. Il n'y a plus rien. Il y a encore de nouveau plus rien, donc tout est à refaire pour ce quartier, et ça sera un enjeu, du coup, pour le maire, Oliver Queen. Ouais. Voilà. Voilà. Donc, du coup, mais on sent quand même, enfin, voilà, c'est une vaste blague toute l'année. Le final est une vaste blague, la manière dont c'est résolu, tout est une vaste blague. Mais, Tu vois dans le dernier épisode notamment, voilà, la boucle est bouclée par rapport aux Glades, par rapport à l'Undertaking, ouais. Le quartier, etc. Oliver nous refait un discours de face à la ville qui est assez vibrant, devient maire, on aborde plus les questions un peu de la ville, des habitants, on revient. C'est la première fois cette saison, je crois, qu'on parle des habitants de Star City. Non, mais tu sais, tous les points positifs que tu essaies d'énumérer là, j'ai envie de te dire que, tu sais, moi, je t'arrivais à un point, tu sais, quand par un moment dans la vie de couple, vous êtes tellement arrivé à un point que même ne serait-ce que regarder l'autre bouffer des pâtes, ça t'énerve. Ben, j'en étais arrivé là, même le simple truc qu'il pouvait faire d'intéressant, non, je disais non, vous avez déjà tout foutu en l'air, c'est de la merde. En fait, voilà, moi je te dis pourquoi j'ai trouvé ça, j'ai souligné ces points positifs parce que je voulais absolument trouver des choses qui me disent allez, regarde quand même un petit peu l'année prochaine. Et du coup, j'ai trouvé ces 2-3 trucs qui m'accrochent un peu. Et voilà, c'est peut-être ça qui va sauver la série dans ma liste, dans mon pool de séries que je vais suivre l'année prochaine. C'est pas encore sûr, je suis pas décidé, mais voilà. ce côté retour à la ville, Olivier en tant qu'Olivier. Oliver. Olivier Rennes en tant que maire, moi ça m'intéresse. Parce que c'est quelque chose qu'il a vécu aussi dans les comics et que du coup ça me parle, ce côté justice sociale, ce côté le maire Oliver qui va faire des choses pour sa ville et les habitants. Qu'on reparle des habitants, c'est pas anodin pour moi et ça m'intéresse. Après tout le reste, clairement on balance et on oublie. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur cette saison que vous voulez aborder? Il y a des gens, je savais même pas qui c'était, notamment celui qui essaie de tuer Théa. Bon, enfin, il essaie pas de tuer Théa, il appelle Théa maman. Anarchy. Ouais. C'est machin. Comment il s'appelle? Ah oui. Bah, son nom vrai, c'est machin. Machin ouais. Oui, non, mais son nom c'est machin, mais j'ai oublié son prénom. Bref, c'est pas grave. C'est Machine, qui est donc Anarchy et qu'on avait vu dans un épisode dans la saison et qui revient là effectivement. C'était intéressant de voir revenir, enfin dans le sens où on réutilise ce personnage. Mais après, voilà. Juste deux mots quand même pour trouver un point positif à la saison. Voilà, l'arrivée de Curtis. Ouais. Bon, à l'arrivée, il était déjà arrivé en fin de saison 3, non? Non, non, début de la saison 4. En tout cas, enfin, j'espère qu'il va revenir en saison 5. Bah, il est régulier. Donc l'acteur, voilà, qui est régulier maintenant, qui sera là sur la saison prochaine, voilà, qui moi me plaît bien, que j'ai envie de voir devenir Mister Terrifique aussi. Enfin, c'est un truc auquel je m'accroche parce que ce personnage, voilà, c'est un des seuls personnages, c'est peut-être même le seul personnage de la série qui me provoque de la sympathie. Comment ça va finir? Ouais. Il va porter les collants aussi. De toute façon, tous ils portent des collants à la fin. Pas Felicity, c'est la seule qui pourrait. Et pas Lance. Ah, ça, je sais pas. Bientôt, tu le diras. Bon, bah, limite, même, il portera le costume de sa fille. Ça lui a trop apporté de malheur, ces histoires de costumes, pour que lui, il en endosse un jour, à mon avis. Voilà. Mais ce qui va être intéressant, par contre, pour Oliver, c'est maintenant qu'il est maire, il a quand même prêté un serment qui est hyper fort à la fin de la saison, qui est un serment qui, normalement, l'oblige à arrêter ses activités de justicier. Tu penses que c'est merde de détails pareils? Le personnage d'Oliver a quand même tendance à s'encombrer de la parole, et il a quand même un sens de la parole, etc., de la parole qu'il donne. Donc peut-être qu'on aura quand même cette question-là qui va être soulevée à un moment, est-ce que oui ou non, il ne va pas raccrocher pendant un temps, en tout cas, ses activités. Ouais, comme au début de la saison. Pour être full-time mayor. Ouais, mais comme au début de la saison. Ça serait chiant. Pas sûr. Pas sûr. Ça s'appelle pas Oliver le maire, c'est Green Arrow, c'est Arrow la série. Ouais, mais bon, on sait déjà qu'on aura a priori un nouveau Vigilante qui va arriver, donc tu vois. Ah bon? Ouais. Ah bon? Ouais, si, j'ai lu ça aussi. C'est vrai, c'est qu'il y a un nouveau Vigilante qui arrive, voilà, on le sait d'après les appels à casting, etc. Mais c'est vrai, ce que tu dis n'est pas faux aussi, Mathieu, parce que, par exemple... C'est rarement faux ce que je dis. Voilà, pour sauver ma ville, là, en tant que maire, il a un rôle, d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, le rôle qu'aurait pu avoir Lorraine par rapport à la légalité de plus agir dans le noir, là, maintenant, il a un rôle, il peut agir vraiment dans la lumière. Et peut-être que oui, comme tu dis, il va mettre un peu l'activité de côté, je sais pas. Bon, en tout cas, voilà, ça va être intéressant. Enfin, intéressant. Voilà. Tout est relatif. C'est ça. Allez, la question rituelle avant de conclure cette émission. Reviendrez-vous l'année prochaine, au moins pour le début de cette saison 5? Arnaud, a priori, non. Clément, a priori, oui. Honnêtement, tu m'as... Enfin, clairement, si j'avais à noter cette saison, j'aurais dit sans hésiter zéro, clairement. Mais quand même, j'ai envie de voir jusqu'où ils vont aller dans la merde. Je ne vais pas pouvoir m'empêcher. C'est du masochisme, Clément. Moi, je sais, là, c'est du masochisme assumé. Bah, j'ai envie de voir quand même ce qu'ils vont faire. Enfin, voilà, je peux pas... Enfin, j'ai envie de voir quand même ce qu'ils vont faire dans cette saison 5, quoi. Moi, on en parlera après quand je dirai si je reviens ou pas. Élodie. Si je reviendrai, au moins pour les abdos de Stéphane. C'est ce que j'allais dire. C'est bon, comme ça, tu l'as dit. Irish. Je ne pense pas que je serai assidu. Peut-être que je regarderai un mois après. Pour les mollets de Felicity. Et bim, allez, encore une fois. Non, mais je pense que j'aurai intérêt, peut-être quelques mois après, un mois après qu'elle soit diffusée, pour voir un peu les deux, trois premiers ou le premier, pour voir quelle mesure ça part. Mais sinon, je serai pas aussi assidu. Moi, je reviendrai pour les quelques choses dont j'ai dit, hein, qui me paraissent intéressantes. Et je pense que la place que prend Stephen Amell cette dernière semaine dans la communication autour de la série, ça donne un peu l'impression que le mec a peut-être tapé un peu du poing sur la table en disant maintenant, faut peut-être arrêter les conneries. Et il serait peut-être temps de faire un peu autrement. La manière dont il communique, donc maintenant, c'est plus Berlanti, hein, qui fait les annonces sur la série. C'est Stephen Amell lui-même. Ça fait quelques semaines où au bout de 4-5 ans, il peut pas devenir producteur, je crois, de la série en plus. Peut-être qu'il va le devenir sur la saison 5, effectivement, et ça se sent parce que maintenant c'est lui qui communique sur la série, on n'a plus rien qui sort de la part de la production. Attends quand même un petit peu avant de dire ça, je suis sûr qu'il y a des trucs qui vont sortir, c'est juste il a l'occasion de beaucoup en parler puisqu'il fait de la promo pour son film. Ouais, oui, certes, mais voilà, ça sent quand même le mec. Est-ce qu'il n'aurait pas un peu tapé du poing sur la table et en disant bon, voilà, stop. Non, mais de toute façon, il faudrait virer Berlanti de toutes les séries là, si vous. Ah, pas toutes. Bref, je vois pas laquelle. Hein. Je reviendrai, voilà, éventuellement pour la saison 5. Allez, bon, on se retrouve l'année prochaine, du coup, pour voir un petit peu ce que devient Arrow. Saison 5 et dernière ou pas, on aura la réponse dans un an, dans le prochain bilan de saison. D'ici là, on se retrouve nous ce week-end pour parler de Flash. Non, de Agents of Shield. parlera d'Agents of Shield. La semaine prochaine, on parlera. Mais non, Flash, on l'a fait la semaine dernière. La semaine prochaine, c'est le tandem Gotham Legends of Tomorrow, le tandem du rêve. Et puis après, on terminera par Supergirl et Stan Lee's Lucky Man, avant de tirer un bilan définitif de cette saison télé qui nous aura décidément beaucoup fait parler. D'ici là, bonne série, bon film pour ceux qui vont s'infliger X-Men, et à bientôt. Au revoir. Salut. Salut.